Chapitre 16. La propriété contre la personne humaine. Dans une civilisation aussi matérialiste, fondée non pas sur l'individu mais sur la propriété, il est inévitable que cette dernière soit mieux défendue que la personne humaine, et que les crimes contre la propriété soient stigmatisés de façon plus exemplaire que ceux commis contre l'homme. Si un mari bat sa femme, s'il lui arrive de lui casser quelques côtes, tout cela n'est que du très banal, comparé au fait de dormir à la Belle Étoile, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour entrer à l'asile. Le gosse qui vole quelques poires à une très florissante compagnie de chemin de fer constitue une bien plus grande menace contre la société que la jeune brute qui, sans aucune raison, se livre à des voies de fait contre un vieillard de plus de 70 ans. La jeune fille qui s'installe chez une logeuse en prétendant qu'elle a du travail commet une faute si grave que si on ne la punit pas sévèrement, elle et toutes celles de son espèce pourraient jeter à terre les fondements de cette fabrique de propriété qu'est devenue notre société. Par contre, si elle se promène dans un but peu avouable sur Picardie ou sur le Strand passé minuit, la police fermera les yeux et elle n'aura aucune difficulté à payer son loyer. Les exemples suivants sont tirés des rapports de police d'une seule semaine. Tribunal de police de Widnes. Devant les conseillers municipaux, Gossard Ginnell a comparu Thomas Lynch, accusé d'ivresse et de désordre sur la voie publique, et d'avoir attaqué un agent de police. L'accusé a été complice de l'évasion d'une femme appréhendée par l'agent en question. De plus, il lui a donné des petits coups de pied et lui a jeté des pierres. Condamné à verser 3 shillings 6 pence pour le premier motif et 10 shillings plus les frais pour les voies de fait. Tribunal de police de Queen's Park à Glasgow. Devant le magistrat, Norman Thompson a comparu John Kane, coupable d'avoir battu sa femme. Il a déjà eu 5 condamnations antérieures pour le même motif, condamné à 2 livres 2 shillings. Tribunal des petites instances de Taunton. John Painter, un grand gaillard de forte carrure, manœuvre, accusé d'avoir battu sa femme. Celle-ci a eu les 2 yeux pochés et le visage sérieusement contusionné. Condamné à verser 1 livre et 8 shillings, frais compris, sous promesse qu'il ne recommencera plus. Tribunal de police de Widnes. Richard Bedswick et George Hunt, accusés d'avoir enfreint la loi sur les jeux. Hunt a été condamné à 1 livre plus les frais. Bedswick à 2 livres plus les frais. Par défaut, 1 mois de prison. Tribunal de police de Shaftesbury. A comparu devant Monsieur le maire, Monsieur Carpenter, Thomas Baker, accusé d'avoir dormi à la Belle Étoile. 15 jours de prison. Tribunal de police de Glasgow a comparu devant le Bailey Dunlop, Edward Morrison, un jeune garçon reconnu coupable d'avoir volé 15 poires sur un camion stationné devant la gare. 8 jours de prison. Tribunal de Dunfermline. Devant le chef de police, Gillespie, John Young, un mineur de fond, a été reconnu coupable de s'être battu avec Alexander Storar, d'avoir frappé ce dernier à la tête, de l'avoir roué de coups sur tout le corps, et, l'ayant jeté à terre, de l'avoir frappé avec un poteau de mine, condamné à 1 livre. Tribunal de police de Kirkcaldy a comparu devant le bailli Dishart Simon Walker, reconnu coupable de s'être battu contre un homme qui ne lui demandait rien. Le juge a traité l'accusé de danger public, condamné à 30 shillings. Tribunal de police de Mansfield, devant Monsieur le maire et Messieurs F.J. Turner, J. Whittaker, F. Tisbury, A. Holmes et le docteur R. Nesbitt, a comparu Joseph Jackson, accusé d'avoir violenté Charles Nunn. Sans aucune provocation, le défendant a frappé le plaignant d'un violent coup au visage, ce qui a eu pour effet de le faire tomber. Puis, lorsqu'il a été à terre, il l'a roué de coups de pied à la tête jusqu'à perte de connaissance. Le plaignant est resté 15 sous surveillance médicale, une amende de 21 shillings. Tribunal de police de Perth. Devant le chef de la police, Sim, a comparu David Mitchell, accusé de braconnage. 2 condamnations précédentes, la dernière remontant à 3 ans. Le chef de police a été prié d'être indulgent envers Mitchell, qui a 66 ans, et qui n'a opposé aucune résistance au garde-chasse, qui venait de l'appréhender. 4 mois de prison ferme. Tribunal de police de Dundee. Devant le chef adjoint de la police, l'honorable R.C. Walker. Ont comparu John Murray, Donald Craig et James Parkes, accusés de braconnage. Craig et Parkes ont été condamnés chacun à 1 livre d'amende et à 15 jours de prison, tandis que Murray écopait de 5 livres et d'1 mois de prison. Tribunal de police de la ville de Reading. devant messieurs W.B., Monk, F.B. Parfit, H.M. Wallis et J.G. Ligan, a comparu Alfred Master, 16 ans, accusé d'avoir dormi sur un terrain vague et de n'avoir aucun moyen visible d'existence. 8 jours de prison. Session du tribunal de la ville de Salisbury. Devant monsieur le maire, messieurs C. Hoskins, G. Fulford, E. Alexander et W. Marlowe, a comparu James Moore, accusé d'avoir volé une paire de bottes à l'extérieur d'une boutique. 3 semaines de prison. Tribunal de police de Horncastle. Devant le révérend W.P. Massingsberg, le révérend J. Graham et M.N. Lucas. Calcraft a comparu George Brackenbury, un jeune travailleur accusé de ce que les juges ont caractérisé comme des voies de fait brutales et sans provocation, sur la personne de James Sargart Forster, un vieillard de plus de 70 ans, condamné à 1 livre d'amende, plus 5 shillings 6 pence de frais. Session du tribunal de Worksop, devant messieurs F.J.S. Folljambe, R. Edison et S. Smith, a comparu John Priestley, accusé de voies de fait contre la personne du révérend Leslie Graham. L'accusé, qui était ivre, poussait devant lui un landau qu'il jeta contre un camion en marche. Le landau s'est retourné, et le bébé qui était dedans a été projeté dans la rue. Le camion est passé sur le landau, mais le bébé n'a pas été blessé. L'accusé s'est alors jeté sur le conducteur du camion, puis sur le plaignant qui tentait de s'interposer. Par suite des blessures que lui a faites l'accusé, le plaignant a dû aller consulter un médecin, condamné à 40 shillings plus les frais. Tribunal de police de la division administrative du comté de Rotherham, Ouest, devant messieurs C. Wright, J. Pug et le colonel Stoddart, ont comparu Benjamin Storey, Thomas Bramer et Samuel Wilcock, accusés de braconnage, condamnés à 1 mois de prison chacun. Tribunal de police de la ville de Southampton, devant l'amiral J.C. Rowley, M. H.H. Culm Seymour et d'autres juges, a comparu Henry Torrington, accusé d'avoir dormi dans les rues, 8 jours de prison. Tribunal de police d'Eckington, devant le maire L.B. Bowden, devant messieurs R.R. et H.A. Fowler et le docteur Court, a comparu Joseph Watts, accusé d'avoir volé 9 plants de fougères dans un jardin public, condamné à 1 mois de prison. Session du tribunal de Ripley, devant messieurs J.B. Wheeler, W.D. Benbridge et M. Hopper, ont comparu Vincent Allen et George Hall, accusés d'avoir été trouvés en possession de lapins. Ils tombent sous le coup de la loi contre le braconnage, ainsi que John Spartham, qui les a aidés et qui est accusé de complicité. Hall et Spartham sont condamnés à 1 livre, 17 shillings et 4 pence, tandis qu'Allen est condamné à 2 livres, 17 shillings et 4 pence, frais compris. À défaut de non-paiement, les amendes seront commuées en 15 jours de prison ferme pour les 2 premiers, en 1 mois de prison ferme pour le 3e. Tribunal de police du sud-ouest de Londres. Devant Monsieur Rose, a comparu John Probyn, accusé d'avoir grièvement blessé un agent de police. Le prisonnier avait battu sa femme, y avait frappé une autre femme, qui s'était élevée contre sa brutalité. Tandis que l'agent de police s'efforçait de le faire rentrer chez lui, le prisonnier s'est retourné contre lui, sans aucune provocation de la part de l'agent. Il l'a jeté par terre, a continué à le battre, alors qu'il gisait sur le sol, et a même essayé de l'étrangler. Pour finir, le prisonnier a frappé l'agent sur une partie sensible de son individu, lui occasionnant une blessure qui a contraint ce dernier à cesser ses fonctions pendant quelque temps, condamné à 6 semaines de prison. Tribunal de police de Lambeth, Londres, devant M. Hopkins, a comparu Baby Stuart, âgé de 19 ans, qui nous a dit être girl de music hall, accusé d'avoir obtenu de la nourriture et un logement, le tout pour une valeur de 5 shillings par des moyens frauduleux, et d'avoir une intention manifeste d'escroquer Emma Brasier. Emma Brasier, la plaignante, est gardienne d'une maison à caractère locatif, dans Atwell Road. L'accusée a pris un appartement chez elle en alléguant qu'elle était employée au théâtre de la Couronne. Après que l'accusée eut passé 2 ou 3 jours chez elle, Madame Brasier a fait une enquête. Elle a ainsi découvert que l'histoire que lui avait racontée la fille était fausse. Elle nous a demandé de l'arrêter. L'accusée a prétendu devant le juge qu'elle aurait eu du travail si elle n'avait pas été en aussi mauvaise santé. 6 semaines de travaux forcés.